on Radio Dio. Bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. On revient en cette année 2024, ce soir on aura droit à un petit best-of de l'année 2023, 15 morceaux avec pour débuter ce best-of Guess Who's Back par le sieur Danko Jones avec ce Electric Sound qui était paru au mois de septembre. Voilà, on aura de quoi passer de la bonne musique, de quoi passer une bonne soirée, bien au chaud dans son rocking chair pendant qu'il fait si froid dehors. Pour débuter l'émission, j'ai choisi de diffuser le dernier Metallica, un album qui a fait beaucoup parler de lui lorsqu'il est sorti au mois de avril, il me semble. Ça s'appelle 72 Seasons, avec un concept particulier de tout simplement concert, tournée, puisqu'il joue à chaque fois deux soirs uniquement, à chaque fois deux soirs, et avec une pause méritée entre les deux. Et sur ces deux soirs, ils ont eu à chaque fois des setlists différentes, donc les tickets étaient vendus pour les deux soirs au départ, et puis ensuite à la soirée un peu plus tard. Voilà, on s'envoie tout de suite ce 72 Seasons avec le premier single qui était paru. Voilà pour Metallica, grosse production, une batterie encore une fois très en avant. Lux Intern, un premier single extrait de ce 72 Season. C'est le Best of d'Overdrive, Radio Duo, ce soir avec 15 titres 2023. On passe maintenant, alors il n'y a pas vraiment d'ordre, j'ai pas vraiment choisi d'ordre spécifique sur ce Best of 2023. Maintenant, une belle parution, c'était sorti au tout début d'année 2023 avec Sky Void of Stars par Catatonia, un album vraiment sympathique qui ravira les amateurs de métal suédois, atmosphérique et mélancolique. Toujours une très très belle production, un son un petit peu glacé qui devrait être tout simplement d'actualité. Ce sera le morceau Birds. Yes, on continue tout de suite Overdrive, Radio Duo, avec, après Catatonia, on va continuer avec Avenged Sevenfold qui nous a sorti cet album Life is But Dream au mois de juin 2023. Un album un petit peu avant-gardiste pour Avenged Sevenfold puisqu'on retrouve énormément de sons, d'influences différentes et puis tout simplement uniquement pas mal de choses qui ont été un peu empruntées à divers artistes. On pense tour à tour à des artistes aussi différents que Faith No More par certaines influences ou même parfois System of a Down. Voilà, donc encore une fois un album qui est un peu divisé mais qui reste à mon sens assez intéressant et qu'on va écouter tout de suite avec le morceau We Love You, tout de suite par le groupe Avenged Sevenfold. It holds in place my plastic bones. Cast button eyes reflect an image, and all seems as it should, but there's nobody home. We'll be right back. Avenged Sevenfold avec son dernier album Life is But a Dream et le morceau We Love You pour les amateurs de métal, on va dire un petit peu progressif et qui n'hésite pas à franchir certaines frontières. Ils devraient également adorer ces gens-là. Le dernier album de Mammoth Wolfgang Van Halen avec son deuxième album solo, ce Wolfies s'appelle tout simplement Mammoth 2. Un très bon album, on trouve aussi pas mal d'influences différentes d'une partie déjà de la scène américaine des années 90. On pense tour à tour à des groupes comme Alter Bridge. Il avait d'ailleurs, Wolfgang, travaillé avec Mark Tremonti, guitariste de Alter Bridge, et on les avait vus également en concert en première partie d'Alter Bridge. Donc la proposition musicale est assez proche de cette scène-là. Bien sûr, des influences également un peu plus, on va dire, métal extrême et moderne. Wolfgang a dit qu'il s'était inspiré parfois de Meshuggah ou alors de Tool, deux groupes qu'il apprécie tout particulièrement. Voilà, Another Celebration at the End of the World, c'est super rafraîchissant, c'est super bien fait. On rappelle que le fils de Van Halen est ici sur tous les instruments, donc il ne chôme pas et il sait absolument tout faire et il le fait très bien. Ce sera Another Celebration at the End of the World. Yes, another celebration at the end of the world par Mammoth Wolfgang Van Halen, extrait de ce Mammoth 2. Vraiment très bon, on note l'excellent solo de guitare en tapping, sûrement un clin d'œil à adresser à papa. Voilà, un autre bon album, cette fois dans un style beaucoup plus power metal. Ce sera le retour de Angra. Angra qui nous revient maintenant avec Fabio Leone de Rhapsody of Fire au chant. Ils en sont à leur troisième album de collaboration, presque maintenant 10 ans. Il faut bien le reconnaître que ça passe très très vite. Et sur ce Cycles of Pain, ben, il faut quand même reconnaître que malgré l'absence de Kiko Lorero, qui ne fait plus partie de Megadeth apparemment pour de bon maintenant, et ben, le groupe nous sort quand même une proposition musicale tout à fait convaincante, comme on va écouter tout de suite sur ce Ride Into The Storm, tout de suite en gras avec son dernier album Cycles of Pain. Yes, dernier album de Angra, ça s'appelle Cycles of Pain, Ride into the Storm. On en oublierait presque Edu Falaschi, tant sur cet album, avec Fabio Leone, ça le fait tout simplement. À noter que Edu a ressorti un album solo cette année. Je ne l'ai pas écouté malheureusement, mais il avait l'air super sympa, hein, ce qu'on pouvait en lire dans les chroniques un peu partout, magazines, etc. Voilà, encore une bonne sortie, et c'est un vieux de la vieille, encore une fois, qui nous a fait très plaisir en cette année 2023 avec Alice Cooper. Alice Cooper nous a sorti This Road, un album sur lequel il avait invité son backing band live à participer à la composition. Donc il faut le savoir, parce que les musiciens que vous voyez sur scène ne sont pas forcément ceux qui enregistrent les albums d'Alice Cooper, en tout cas depuis maintenant de nombreuses années. Le sieur Vincent Fournier aimant inviter des hired guns, des musiciens de studio selon les besoins de ses compositions. Un très très bon album dédié à son groupe live, avec qui il n'arrête pas de faire des concerts. C'est complètement fou de voir le rythme de tournée qu'il peut avoir et la qualité de ses prestations live à son âge. Alice Cooper, This Road, une très belle sortie de l'année 2023. Immortalized, but I wouldn't stop, and I'd probably be immortalized to some other plot. Oh. Yes, absolument fantastique que c'est Alice Cooper, vraiment une fraîcheur et surtout une vitalité, un backing band qui est tout simplement fier d'enregistrer et de participer aux compositions de celui qui l'accompagne sur scène depuis maintenant de nombreuses années. Nita Strauss, la guitariste Nita Strauss, a bien sûr participé dessus. Voilà, maintenant on va passer à Avatar qui nous avait sorti cet album Dance Devil Dance au début de l'année 2023. Ça devait être au mois de février. Un bon album, même s'il s'agit d'un groupe que je n'ai pas vraiment tout simplement poussé autant qu'ils devraient. Ils offrent toujours des prestations scéniques de qualité et ont une certaine personnalité. Avatar, tout de suite. Yes, Avatar tout de suite avec son dernier album Dance, Devil Dance, et toujours le best-of 2023 Overdrive Radio Duo. On a encore de la bonne musique à diffuser, un gros retour encore inespéré il y a de ça quelques années, et encore moins à ce niveau de qualité musicale. Il s'agira de Sortilège avec son Apocalypso. Sortilège nous a quand même sorti deux albums cette année, avec tout simplement cet album Apocalypso, et en fin d'année dernière, Coram Populo, qui est un album live, CD, DVD, enregistré au Forum de Voreal. On a là un très bon album à la production moderne, avec bien sûr pas mal d'influences différentes. On retrouve bien entendu la patte de Sortilège. Les membres actuels du groupe se sont bien intégrés dans la formation et ont su apporter, on va dire, leur dynamique dans les compositions. On s'envoie ça tout de suite avec un morceau sur lequel on retrouvera les invités de Mirat. Ça s'appelle « Derrière les portes de Babylone » par Sortilège. Jetez-vous dessus si ce n'est pas déjà fait. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. Yeah. Voilà, excellent que ce sortilège derrière les portes de Babylon, un extrait de l'album Apocalypse. On continue dans maintenant du thrash metal avec Overkill, toujours indécrottable, Didi, Vernie, Bobby Blitz, du thrash metal ravageur. Le seul problème de ce disque, c'est qu'il est sorti tout simplement le même jour que le 72 Season de Metallica, et bien entendu, sans parler de la qualité, un très sec de disques qui sont tout simplement des questions de goût. Overkill ne fait pas le poids d'un point de vue de la force médiatique de Metallica, et bien entendu, il a été un petit peu évincé. Pourquoi ? C'est pourquoi maintenant, on va le remettre un petit peu en avant, en se voyant une petite pépite de thrash metal bien envoyée. We'll be right back. Yes, excellent que ce Overkill, tout de suite Twist of a Whip, extrait de cet album Scorched, paru au mois d'avril. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo, il est 22h passées de 33 minutes et on continue avec Host, qui est le projet parallèle de Greg McIntosh et de Nick Holmes de Paradise Lost, tout simplement qui reprend là où Paradise Lost s'en était arrêté en 1999 avec l'album Host, album aux influences Britpop et New Wave évidente qui avait fait tout simplement un flop malgré la qualité vraiment extraordinaire de cet album. Et bah, tout simplement, ça le fait toujours en 2023 avec un groupe qui fait un peu ce qu'il veut. Donc on le sait maintenant, ces deux joyeux drill britanniques ne se prennent plus la tête et font tout simplement plein de trucs, ils ont plein de projets. Nick Holmes est maintenant dans Bloodbath où il fait du death metal à la suédoise. Greg McIntosh a lui aussi plusieurs projets. Et tout simplement, dans Host, il se retrouve dans un contexte différent de celui de Paradise Lost qui là aussi a enchaîné les tournées. Ils ont sorti encore un autre album en fin d'année, Paradise Lost, avec le réenregistrement de Icon qui était paru en 1993, donc Icon 30, et on s'envoie tout de suite ce morceau Tomorrow's Sky par Host. Hail the last tomorrow. question and you're thinking, dead or alive. Heal the rhythm that you're dreaming, dead or alive. Clear decision and you're thinking, dead or alive. Yes, yes, avec ce Host, Paradise Host, renaît à l'époque de Host, tout simplement, Tomorrow's Sky, pour un excellent, excellent album. Alors là, on va changer relativement, radicalement de registre avec Cannibal Corpse, Cannibal Corpse, qui est sur une, tout simplement, bonne pente depuis quelques années, et surtout le fait qu'ils ont recruté à la guitare leur producteur, Eric Rutan, qu'on connaît bien sûr dans Hate Eternal, qui a su vraiment intégrer le groupe, se fondre dans la masse et apporter quelque chose aux compositions du death floridien. Et ça marche plutôt très bien avec ce dernier album qu'on envoie tout de suite, tout simplement, sans faire chichi. Chosen by the elders to kill. One chosen by the elders to die. Summoned for sacrifice. Take it to a dungeon where others perish before him. Enveloped in fear and silence, arms and legs are shackled. Awaking in the dark and cold, the time has now arrived. Dissected and exterminated. Torches and dirt starts to glow. Breathing spots can have to pray. One by one to mutilate them. When rising and they'll take their turn. Removing pieces of it, my army to suffer to breathe them all. One comes from the foot of blood, the echoes, the blood begins to spray. The second one at seven, and the rest, the third one does the same. The fourth one strikes from the other foot, the fifth one is a leg. The sixth one chops up one of his own, not much of him remains. Those two dead when they break through, in a few minutes it'll be over. When guns in hand, they'll take their turn. Removing pieces of it, my army to suffer to embrace them all. Until he breathes no fucking more. Summoned for sacrifice. Chosen by the elders to kill. One chosen by the elders to die. Summoned for sacrifice. What's up in the window? I just seek to what they're told. One by one they'll mutilate him. When rising men they'll take their time. You know that pieces of his body have been made to suffer to embrace them all. The seventh one severs the other leg without thinking he licks the blade. The agent takes care of the remaining arm. One night blood is left on. The tenth one calls on the face of his human. Yes, Cannibal Corpse, dans Overdrive Radio 2, tout simplement pour se remettre les pendules à l'heure. Encore un excellent retour, ce sera celui d'Extreme. Depuis 2009, il n'avait pas sorti d'album studio. C'est maintenant chose réparée avec cet excellent album 6, sur lequel on a peut-être tout simplement le solo de guitare de l'année. Ce sera Rise, un morceau qui a fait pas mal parler de lui justement pour ce solo de guitare absolument fabuleux de Nudo Bettencourt. Mais il s'agit également d'une superbe composition et là aussi d'un morceau très fédérateur. Alors certaines personnes ont été un peu déçues de l'album, tout simplement parce qu'ils attendent un retour à Pornographity, ce qu'ils n'ont jamais fait ensuite, et puis ce qu'ils n'avaient vraiment pas envie de faire, puisque c'est un groupe qui a toujours évolué, même dans les années 80-90, ils n'ont jamais fait deux fois le même album, et également sur un album comme Pornographity, on retrouvait également beaucoup de compositions différentes, et ça, les gens semblent l'avoir oublié. Bah, c'est exactement le cas ici, on a des morceaux électro, on a des balades, on a des morceaux un petit peu pop, de superbes morceaux rock et ce morceau Rise qui résume encore une fois Extreme à la perfection. Yes, Rise par le groupe Extreme, encore une fois, une superbe, on va dire, relation entre le guitariste Nuno Bettencourt et le chanteur Gary Sharon. Superbe duo guitare-chant. Obituary, Dying of Everything, le retour des frères Tardy du death metal. Bien old school, bien sympa, ça fait plaisir. Par où ça passe ? Yes, vous venez d'entendre Obituary, et bien entendu on peut pas parler de l'album de l'année 2023 sans parler du double album de Massisteria Tonas Part 1 and Part 2, qui était paru respectivement en juin et en octobre. Donc c'est un doublé gagnant pour le groupe français qui va maintenant partir sur une très longue tournée un peu partout. En France, ils passeront notamment du côté de Saint-Étienne. Et on va se diffuser ce morceau Allégorie dans la brume tout de suite. Ce sera quasiment la fin de ce best-of. On aura choisi 15 titres différents avec pas mal de choses différentes, un peu de hard rock traditionnel, metal extrême, death metal, pas beaucoup de power metal ou de heavy au sens strict du terme, néanmoins, encore une fois, de la bonne musique, c'est le plus important. Allégorie dans la brume par le groupe Mass Hysteria. Notre Pompéi de Descartes, où l'émotion Et ce qui sera peut-être notre album de l'année dans Overdrive Radio Duo, il s'agira de Lightbringer, Dark Fighter, ce double album là aussi, de Rival Sons, absolument magique, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une petite, un petit bijou, Jay Buchanan, l'un des plus grands chanteurs, là aussi duo, guitariste, chant, vraiment Scott Holiday et Jay Buchanan, l'un des plus grands duos de notre époque, tout simplement, jetez-vous dessus, c'est de la bombe. On rappelle le www.radioduo.org et le facebook.com/overdriveradioduo, les podcasts exportés sur la plateforme Mixcloud. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour retrouver tout simplement les nouveautés de l'année 2024 et le programme, on va dire, habituel de l'émission. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, sortez couverts. Merci, ciao, bye bye. She said you can be yourself with me. If we can make it to the sunrise, we can surrender our yesterday. And then we'll make our plans. Still we understand that redemption comes in. The disregarded love is such a shame. Keep the hope and leave the shame to the devil. To keep the hope and leave the shame to the devil. If we can make it to the sunrise, we can surrender. Redemption comes in a familiar way. And redemption comes in a familiar way. Redemption comes in unfamiliar ways. Redemption comes in unfamiliar.